Eh bien, bonjour à tous et bienvenue dans la deuxième émission spéciale Podren. Oui, bonjour. Oh, ouais, super. animation. Comment allez-vous? Ça va Ça va bien, et vous? toi? Eh bien, Super. ça va. Alors, tout d'abord, on va remercier les organisateurs de Podren d'avoir permis le maintien du festival en ligne comme ça, envers et contre tout, et d'avoir pu faire cette deuxième émission. Pour le coup, on va faire un thème spécial pour cette deuxième émission, puisque ce sera une des émissions spéciales annulation et dans l'histoire. Et il va même y avoir un jeu pour le public, puisque sous le post Facebook et Twitter de la désémission, dont je vais mettre les liens tout de suite sur le chat, vous devrez deviner pour gagner le même cadeau que le vainqueur de la désémission, qui sera final, donc les deux candidats qui seront en finale parmi ceux que je vais vous présenter, et vous pourrez gagner le même cadeau que le vainqueur de la désémission, cadeau que je vais vous présenter également, mais que vous verrez dans les posts. Voilà, partagé. Ensuite, donc désormais, donc vous aurez juste fin de la première manche qui s'appelle le début pour participer. Ensuite, ce sera un peu trop facile de qui seront les finalistes. Et on va commencer par présenter les candidats. On a tout Oui. d'abord une personne qui est de Vesoul et croyez-moi, c'est compliqué de faire un live depuis d'y arriver. Elle a 5 participations, dont une victoire. C'est Alicia. Bonjour Alicia. Ouais. Oui, On l'a bravo Alicia. perdu. On l'a déjà perdu? Oui. Allez, Ah, attends, super. je vais faire Alicia. Oui, Vas-y. ça va bien. Ça va? Vesoul, c'est bien. Y a pas Ouais, ça beaucoup c'est bien. d'ambiance, mais c'est sympathique. Bon, on va Ouais, passer à je dessine. Ah Voilà. là, je crois que la revoilà. Alicia, es-tu là? Oui. Bonjour Comment ça va? Bien. Alicia. Non, mais dis-le, si on te fait chier. Non, mais c'est. Oh là là, je suis vraiment désolée, mais c'est incroyable, quoi. Il n'y a pas de Incroyable, souci. ouais. Il y a de grandes chances que tu finisses quatrième de toute façon. On a aussi. Alors, on a un candidat qu'on aime beaucoup dans des émissions, puisque en 23 participations, il a 3 victoires. Des émissions 3, 4 et 5. On pensait qu'il allait tout péter, mais finalement, 102 des émissions plus tard, il a toujours pas eu de quatrième victoire. C'est Aurélien. Bonjour Aurélien. Bonjour! Mais Oui! je t'emmerde au Applause! passage. Tu m'emmerdes au passage, ça me fait bien. C'est Moi pas aussi, je hyper suis content. sympa. On a aussi le recordman de victoire dans la des émissions. En 30 participations, il a 16 victoires. C'est Bilel. Bonjour Bilel. Oui, salut, Ouais! salut! Salut! Ça va Lui, il est Bilel? fort. Ça va, j'ai très peu dormi, je suis très fatigué. Voilà! Eh ben, tu es donc Mais je au vais quand même taquet. essayer d'être au taquet! Et enfin, on a le quatrième candidat. 30 participations, 7 victoires. Son record à lui, c'est le nombre de troisième place, puisqu'il en a 9. C'est Charlie. Bonjour Charlie! Bonjour! Charlie, ouais, trop bien! Charlie! Comment ça va Charlie? Bah ça va bien, ça va bien. Eh ben, c'est très Voilà. bien. Oui. Le cadeau qui sera à remporter par le vainqueur de ce podcast, mais aussi par la personne qui aura deviné ou encore été le plus proche des deux finalistes et du score de la finale. Il faut savoir qu'une finale, ça se joue en 3 points et que dans très peu de cas, on n'a jamais atteint les 3 points. Mais bon, mieux vaut quand même mettre un score avec les 3 points, au moins pour penser qu'on est un peu culturé. Le cadeau, c'est donc un magnifique roman, puisque c'est spécial annulation et report. C'est donc un livre sur l'annulation d'une carrière politique, c'est le roman vrai de Dominique Strauss-Kahn. Ouh, Qui est à c'est gagner naze. aujourd'hui. C'est magnifique. C'est Ça a vraiment l'air nul à chier, absolument quoi. Quel gros cadeau. Il y a 3 pages de photos Attends, avec t'en as Dominique acheté Strauss-Kahn deux? jeune. T'en as J'en ai acheté acheté deux, du deux. coup? Oui, j'en ai acheté deux, Oh monsieur. putain, c'est Et encore oui, pire que ce que monsieur. je pensais. Je suis comme ça, je suis généreux. Les règles du jeu, on a donc 5 manches. On a tout d'abord le début. À la fin du début, les votes pour le jeu des auditeurs sera terminé. Après, on a la suite. Après la suite, il y a un Un éliminé parmi les 4 éliminé! candidats. Ouais! Très certainement moi! Mais non, moi. Ensuite, ensuite on a le milieu, la presque fin. À la fin de la presque fin, il y a un autre candidat éliminé. Et la fin, la finale entre les deux qui restent. Aurélien, qu'est-ce que tu fais sur le chat à mettre des photos d'André Rieu? Mais attends, mais ça n'a pas commencé encore! Mais voilà, maintenant quitte le chat, Aurélien, parce que tu vas pas commencer à Je le tricher. quitte. En tout Voilà. cas, tu mets des Il liens a dit des qui. photos! Ce boomer! J'ai dit Il a des dit des photos. photos! Que Je mettre des vous photos emmerde. d'André Rieu! Je vous emmerde tous, mais avec amour, et on passe au début. Oh là là, je suis un peu du jingle, c'est incroyable. Le début. Le début, c'est donc 3 questions de rapidité, des questions longues auxquelles plus vous répondez tôt, plus vous marquez de points. Pour répondre, vous me dites bien votre prénom, spécialement quand on est comme ça en direct tous les quatre. Alicia, est-ce que tu es toujours là? Oui, je suis toujours là. C'est magnifique. Ah, oui, je suis là, ça va bien. Oh, non. Donc vous dites bien votre prénom, vous attendez que je vous donne la parole, vous ne donnez pas la réponse comme ça, et vous n'avez pas le droit de répondre deux fois de suite. Je vous rappelle que le thème de toutes les questions, c'est annulation et report dans l'histoire. Bien entendu, sur le chat, vous pouvez jouer. Première question pour 5 points. Pour quelle raison la vente du tableau Le Rêve de Pablo Picasso? Bilel. Oui. Sa mort. Non. Aurel, il a brûlé. Non. Charlie. Oui. Pour rembourser des dettes? Non, Charlie. Bilel. Oui, vas-y, Bilel. C'était pas le sien. C'était pas le vrai. Non. Alicia, est-ce que si tu es toujours là, j'essaie encore une fois. Oui. Est-ce que tu veux tenter une réponse? La guerre. Kratos. C'est très philosophique. Pour 4 points, pour quelle raison la vente du tableau Le Rêve de Pablo Picasso a-t-elle été annulée en 2006? Oui. Pour quelle raison la vente du tableau La Coupe du Monde de foot. Non. C'est le truc que je connais en 2006, en fait. Non, non, non. Pour quelle raison la vente du tableau Le Rêve de Pablo Picasso a-t-elle été annulée en 2006? Pour 3 points. Oui, Bilel? Quelqu'un l'a déchiré? Non. Je vais te demander de préciser ta réponse, Bilel. Oh. Eh bien, il a été abîmé, du coup, on ne pouvait plus le vendre. Je vais te demander de préciser ta réponse. Il a été repeint par-dessus, je sais pas. Non. 3 points. Donc, pour quelle raison la vente du tableau Le Rêve de Pablo Picasso a-t-elle été annulée en 2006 alors qu'une personne avait proposé la somme de 139 millions de dollars pour l'acheter? Et qu'Alicia nous a quitté. Bilel? Oui, vas-y. Il a été victime d'une inondation? Non. Il a brûlé? Enfin... Non, non, non. Mais t'étais pas loin, hein, t'étais pas loin, comme tu t'en doutes, mais j'ai demandé d'être un peu plus précis. Bien Charlie entendu. Oui, Charlie? Le cadre a été cassé? Non. C'est pas tant l'action, parce qu'on s'en doute qu'il a été abîmé, mais c'est plus une autre chose que l'action en elle-même que je veux savoir. Ah ouais. Pour deux points. Cette annulation étant causée par Steve Wynn, alors propriétaire de l'œuvre. Pour quelle raison la vente du tableau a annulé sa vente? Pardon, Aurélien? Bilel? Oui, Bilel, vas-y. En le bougeant, il l'a abîmé en voulant l'emmener à la salle des ventes quoi, pour la vendre. Bah, je te le compte, Bilel. C'est le propriétaire qui a perforé le tableau sur 20 cm avec son coude. Ça fait deux Bilel. Donc le mec, c'est-à-dire qu'il l'avait vendu 139 millions de dollars, il a fait un trou dedans de 20 cm avec son coude, du coup forcément la vente a été annulée. Tu m'étonnes. Voilà, on avait des positions. Alors justement, il a réussi à le revendre à la même personne, 155 milliards de dollars au lieu de 139. Milliards, c'est ça. Millions. Ouais, ouais. Il a vendu 155 millions de dollars alors qu'il l'avait vendu 139 à la même personne abîmée, c'est ce qu'on appelle un coup de pète. Putain, si je veux revendre ma bagnole, je fous des coups de coude dedans, nickel. Hein. Ça fait donc le coup de coude qui cause des millions sur le chat, en effet. Ça fait donc 2 points pour Bilel, les 0 pour les autres. Alicia, est-ce que tout va bien? Non, non, j'ai été absente pendant quelques minutes pendant la question. Hein. Deuxième question du début. Pour 5 points, quel métier effectue George Aldrich à la NASA? Charlie. Oui. Il compte les étoiles. Non. C'est non. C'est beau. C'est beau. Mais c'est beau, mais non. Avec une machine, ça doit être long. Il programme un truc, pas. C'est si poète. Oui, merci. Il les compte pas avec son doigt comme ça, avec son petit calepin. Je vais voir. Oui, merci, Charlie. Bilel. C'est quand même la NASA. Oui, Bilel. Il ramasse le vomi des astronautes dans la centrifugeuse. Non. Non. Pour. Il chasse pas non plus les petits animaux à la NASA. Pour 4 points. Quel métier effectue George Aldrich à la NASA? Métier impliquant qu'il vérifie chaque élément posant la navette spatiale d'une mission. Ce métier impliquant, oui, quelqu'un. Alicia. Non. Alicia. Il vérifie le moteur pour pas non. que. Ok, d'accord. Charlie. Oui. Il fait Charlie. Le plein. Il va à la pompe chez Total avec sa pluie. Il a ses jerrycans. Il sait plus si c'est à droite ou à gauche qu'il faut mettre l'essence. C'est du sans-plomb ou c'est... mec qui vérifie. La réponse a toujours pas été trouvée sur le Bilel. Chat. Oui, Bilel. Il est chargé de nettoyer la fusée. Non. La navette. Donc, Pour 3 points, ce métier implique qu'il vérifie chaque élément composant la navette d'une mission, ce qui peut paraître futile à première vue, mais cet aspect peut être totalement désagréable pour les personnes se trouvant dans cette navette. Aurel ? Oui ? Il nettoie les chiottes ? Non. C'est vraiment sur chaque élément de la navette. Hein. Ah. Il vérifie chaque élément. Il vérifie le goût. Alors... Oui, Alicia ? Il vérifie le son provoqué par ces éléments. Non. C'est dur. Pour 2 points, donc quel métier effectue George Aldrich à la NASA ? Ce métier impliquant qu'il vérifie chaque élément composant la navette spatiale d'une mission, ce qui peut paraître futile à première vue, mais cet aspect est totalement désagréable pour les personnes se trouvant dans cette navette, comme ce fut le cas en 1976 lorsqu'une mission de l'URSS a dû être annulée. En fait, il vérifie un truc ou tous les trucs de la navette ? On n'est pas très loin sur le... Il vérifie tous les trucs. En fait, c'est quoi la question ? Ça a été trouvé sur le chat. Ça a été trouvé par Terry Lair, bravo à lui. Ah, la question, c'est quel métier effectue George Aldrich ? C'est-à-dire qu'avant chaque mission, il inspecte chaque élément qui est dans une navette pour une raison particulière. Cette raison, ça a causé l'annulation d'une mission de l'URSS en 1976. Aurel. Pour 1 point. Oui, Aurel. S'il n'y a pas d'animaux à bord ? Non. Pour 1 point, car un des sens des cosmonautes de cette mission de l'URSS a été fortement perturbé. Bilal ? Oui. Il vérifie que ça pue pas ? Très bonne réponse, Bilal. Non, tout ça pour ça. Ironie, simplement. Tous les éléments des navettes, de la navette, non. Parce qu'il y a une mission de l'URSS où ça puait vraiment à mort, ils ont été obligés de ramener les mecs sur Terre. Le mec est wow. Renifleur professionnel. Il est renifleur professionnel. C'est exactement ça. Incroyable. C'est quoi ça ? Ça fait donc 3 points pour Bilal et 0 pour Alicia, Aurélien et Charlie. Dernière question du début, pour ceux qui veulent participer au concours pour gagner le même cadeau et deviner les deux finalistes et le score, vous avez juste après cette question. Pour 5 points, pourquoi les États-Unis écoulent-ils un stock important de Purple Heart depuis plus de 80 ans ? Bilal ? Pourquoi les... Bilal ? Oui, Bilal, oui. C'est quand il y a des morts à la guerre, non ? C'est pas ça ? Oui, mais je te demande pourquoi ? Bah, parce qu'ils meurent à la guerre. Non. Non, ça, pourquoi est-ce qu'ils écoulent ce stock depuis plus de 80 ans ? Ah ! C'est-à-dire qu'ils ont un stock qui date de 80 ans et ils continuent à l'écouler encore aujourd'hui. Et pourquoi est-ce qu'ils ont ce stock ? Charlie ? Bilal. Non, t'as pas raison. Non, c'est déjà... Charlie. Parce qu'ils se sont trompés, ils ont fait une grosse commande et depuis, ils doivent l'écouler. Ils sont trompés au moment de la commande ? Non. Alicia ? Bilal ? Ah, Alicia, vas-y. Parce que ils pensaient qu'ils allaient être en temps de guerre et finalement, la guerre, c'est pas faite et ils ont un stock sur les bras. Pas exactement. Bilal. Ah. Parce qu'ils pensaient qu'il y aurait beaucoup plus de morts pendant la Première Guerre mondiale ? Pour quel point ces Purple Hearts ? Bon, vous l'avez deviné, ce sont des médailles militaires encore décernées de nos jours pour chaque. Oh. Alors que sur le chat, non, il y a quelques réponses qui arrivent, mais non, c'est pas ça. Merde. Aujourd'hui, Bilal, en fait, ils écoulent encore ce stock. Bilal, je suis pas sûr que tu puisses. Oui, tu peux répondre parce qu'on a changé de catégorie de points, vas-y. Parce que après Pearl Harbor, ils pensaient qu'ils allaient être en guerre, enfin que le Japon allait aller chez eux, quoi. Alors. Je vais te demander de préciser ta réponse, t'as tous les éléments, mais en fait, c'est pas exactement ça. Bah, ils pensaient qu'ils auraient beaucoup plus de blessés après Pearl Harbor, parce qu'ils pensaient qu'il y aurait une invasion japonaise, quoi. Charlie. Non, je peux pas te l'accepter. Charlie. Parce qu'ils ont eu peur d'une réplique atomique. Non. Ah. Pour 3 points, donc, ces médailles elles sont décernées à chaque soldat blessé ou tué au service de l'armée, à tel point que les unités au combat en ont un stock sur place pour les décerner directement aux soldats décédés. Bon, ça, du coup, vous vous en doutez un peu. Vous avez compris un peu le contexte. Pour l'instant, vous avez le contexte, mais vous n'avez pas exactement la raison. Complète. Pourquoi les États-Unis écoulent-ils un stock important de Purple Hearts depuis plus de 80 ans ? Ces Purple Hearts étant des médailles militaires encore décernées de nos jours. Pour chaque soldat blessé ou tué au service de l'armée, ont tellement qu'en fait, les unités de combat en ont un stock sur place pour les décerner directement aux soldats décédés. Et ça a été trouvé, chat, par Johnny. Bravo à lui. Donc on cherche, vous avez le contexte, et il faut juste savoir pourquoi est-ce qu'ils ont créé toutes ces médailles. Ce surstock, il est causé pour 2 points, il est causé par la production de 500 000 unités dans les années 40, qui devait à la base décorer les soldats de l'opération Downfall, opération qui a été annulée en 1905 suite au bombardement. Bilal, parce que oui. Du coup ils sont pas allés en guerre contre le Japon directement. Je te le compte, Bilal. C'est après, parce qu'ils devaient débarquer au Japon, en fait. Donc, ils avaient prévu plein de médailles. Sauf qu'avec les deux bombes atomiques d'Hiroshima et Nagasaki, ils ont annulé l'opération. Et du coup, ils ont toujours ce stock de 500 000 médailles sur les bras qu'ils continuent encore à donner aujourd'hui et qui ont 80 ans. Mais oui, ça fait donc 200 000 Bilal. Ah là là. Bravo à toi. Ouais, à la fin du début, donc je clôture le jeu pour deviner les finalistes. Bilal a 5 points. Alicia, Aurélien, Charlie, 11-0. Alicia, est-ce que tout va bien? Ouais, par intermittence. Super. On va c'est triste de dire que j'ai autant de points qu'Alicia qui est pas là pendant la moitié du jeu. Ah mais pense pas à ça. On va passer à la suite. La suite, c'est 3 listes dont il faut trouver les réponses, sauf la plus évidente. 1 point par bonne réponse et 1 éliminé ou une éliminée à la fin de la manche avec tous les points que vous avez vus jusque-là. Celui qui a le moins de points ou celle qui a le moins de points est éliminé. La première liste, alors j'ai fait des listes assez courtes bien entendu puisqu'on a un timing à respecter. Je vous demanderai donc de ne pas prendre comme d'habitude 3 minutes 30 avant de donner une réponse. Je vous demande de me citer un long métrage déjà sorti au cinéma en France dans lequel apparaît Tom Cruise, sauf, parce que là vous êtes en train de vous dire c'est par rapport au thème report et annulation, sauf Minority Report. Oh okay. Tadam. Bilal, comme t'as marqué le plus de points dans le début, c'est toi qui commence. Mission Impossible. C'est une bonne réponse de Bilal. Ensuite, c'est à Alicia. Eyes Wide Shut, c'est une bonne réponse. Aurélien. Oblivion, c'est une bonne réponse. Charlie. C'est bien pour moi ça. Edge Tomorrow, y a pas un truc comme ça le film? Je te le conseille. Je l'ai pas en français. Edge of Tomorrow. Bah alors, en français c'est Bord de demain. Ça me semble évident. Non, je croyais qu'il avait un titre français traduit. Non, il en a. Bilal. Mission Impossible Fallout. Bonne réponse. Alors que là, ça dégaine sur le chat beaucoup. Alicia. Est-ce qu'on a perdu Alicia? Ah, dommage. Aïe. Il n'y a pas Tom Cruise dans le jeu, là. Je pense qu'il fait chier avec Tom Cruise. On a reperdu Alicia. Vas-y, Aurélien, du coup. Bah, le dernier samouraï. Le dernier samouraï, c'est bonne réponse. C'est ce que j'allais dire. Ah, non. Charlie. Mission Impossible 2. Mission Impossible 2, c'est une bonne réponse de fourbe de Charlie. Est-ce qu'Alicia est revenue ou pas? Eh non. Eh non, bah, je crois qu'on va partir sur le final. C'est une belle participation d'Alicia. Tout le monde dit petit ange, parti trop tôt. Collatéral. Collatéral, c'est une bonne réponse de Bilal. Aurélien. Mission Impossible 4. C'est une mauvaise réponse d'Aurélien. Charlie. Sans déconner. Mission Impossible 3. C'est une bonne réponse de Charlie. Non, on n'a pas dit 3. Non, c'est pas vrai. Oh non. Attention, le moment traditionnel. Et non, Alice, dommage, ce n'est pas dedans. Bilal. Vanilla Sky. Vanilla Sky, c'est une bonne réponse. Charlie. Top Gun. Top Gun, c'est une bonne réponse. Non, je l'ai déjà dit. Non, tu l'as pas déjà dit. Non. Ah bah je pensais que je l'avais dit. Alors qu'Alicia est de retour, comment ça va Alicia? Bah ça va, écoutez. Allez, vas-y, tente un film avec Tom Cruise. Tu sais que je t'ai quand même envoyé des SMS avec des réponses. Ah merde, bah vas-y alors. Je vais être gentil avec toi. Si ça a déjà été dit, je te laisserai une autre chance. Ok. Rain Man. C'est une bonne réponse, Alicia. Allez, vas-y, t'as le droit à une deuxième réponse, comme ça fait un moment que t'étais pas là. Bah j'ai dit Top Gun, mais je pense que ça a été dit. Ça a déjà été dit, ouais. Une autre. Elle a droit à combien? Elle a droit jusqu'à ce qu'elle... Bon, allez, elle va en dire une autre, on verra bien. Vas-y. Alicia? Elle est quand même pas déjà repartie. Elle aura eu un point. Elle va, elle vient, elle croit que c'est un moulin ce podcast, c'est incroyable. Bilal, à toi. Top Gun 2. Et non, il n'est pas encore sorti. Rip. Ah là là. Et ça fait donc, Charlie, t'es le dernier dans la liste. Attends, mais ça veut dire qu'il va y avoir un Top Gun 2? Oui, il va y avoir un Top Gun 2, 2020. Eh oui. Maverick. Ça s'appelle, je crois. Oui, tout à fait, Maverick. Ouais, mais bon, ça compte pas, quoi. Charlie, il te reste 3 réponses comme t'es le dernier dans la liste. Y a pas. Tente Top Gun 3. Top Gun 3, non, Mission Impossible, Opération Fantôme, non. Je vais te demander de préciser ta réponse. Non. Mission Impossible, Fantôme. Non. Non, c'est mort. C'était quoi? Protocole. C'est protocole. Protocole. Oui, je le sais en plus, mais t'es connard. Bon, alors, parmi les autres castels les plus connus, il y en a plein qui ont été dit sur le chat, bravo à tous. Ouais, il reste Entretien avec un vampire, Jack Reacher, Jerry Maguire, oui, Jack Reacher. La guerre des mondes, La momie, Mission Impossible Rogue Nation, Né un 4 juillet, Space Station 3D, Stanley Kubrick, Une vie en image, ou encore Valérie. Je suis trop deg. Ça fait donc, à la fin de la première liste, 9 points pour Bilal, 4 points pour Charlie et Aurélien qui a autant de points qu'Alicia 2. Bravo Aurélien! Putain, c'est la honte! Pour cette deuxième liste, je vais vous demander. Il y avait aussi Tropic Thunder en effet. Je vais vous demander de me citer une ville, un club qui se trouve. Ah, revoilà Alicia, Alicia, est-ce que tu es là? Magnifique! Oui, je suis là! Est-ce que tu vas tenir jusqu'à la fin du truc? Je me confonds en excuses d'abord et je pense que c'est. Enfin, il faut me out en fait. Mais non, parce que t'as encore tes chances de te qualifier puisque Aurélien a autant de points que toi. Sache-le. Ouais, ouais. Alors ça, c'est vraiment la loose pour lui. Hein. Je vous demande de me citer une ville hébergeant un club qui se trouve sur le podium de la première division d'un championnat de France de sport collectif aujourd'hui. Allez, wow. C'est pour moi, salut. Wow. Sauf Paris, qui est premier en floorball féminin, floorball masculin, football féminin, football masculin, futsal masculin, handball masculin. Floorball. On est... Floorball. Le floorball, c'est du hockey sur glace, mais sur goudron. Okay. Du coup, c'est du hockey goudron. Du hockey sur sol. c'est donc à Bilal de commencer. Je vous demande une ville donc, hein. Bilal. Attends, je t'ai dit sauf Paris parce qu'il est, il peut être voilà. Machin de floorball, je sais pas quoi. Ouais, mais on peut quand même dire Paris si c'est autre chose. Ah non, si c'est non, un autre sport. Non, non, justement, il a dit tous les trucs. Ok, ok. Autant pour une ville se trouvant sur le podium de la première division d'un sport collectif. Bon, bah Lyon. Lyon, bonne réponse. Un basketball féminin, floorball féminin, football féminin, rugby masculin. Alicia. Bordeaux. Oh, elle est là, magnifique. Et elle donne une bonne réponse. Football féminin et rugby masculin. Alia, dans un quart d'heure. Allez, salut Aurélie. Je prends un risque. Vas-y, Rennes. Bah, bien entendu, Rennes. Football masculin, troisième place. Ils sont bons en ce moment, non? Ils sont pas mal. Football féminin et volleyball masculin aussi. Charlie. Super. Marseille. Marseille, c'est une bonne réponse de Charlie. Football masculin, football américain masculin et waterpolo masculin. Bilal. Toulouse. Toulouse, rugby féminin. Ouf. Bonne réponse. Oh putain. Wow. Alicia. Lille. Lille, c'est non. Une bonne réponse. Waterpolo masculin et féminin. Aurélien. Ouais. Bah. Lons-le-Saunier. Non. J'en sais rien, moi. Pau. Ils font pas du rugby à Pau. Si, mais ils sont nuls. C'est une mauvaise réponse d'Aurélien. Charlie. Oh, Je vais dire La Rochelle. La Rochelle, c'est une mauvaise réponse de Charlie. Alicia. Ah, bah, ouais. Ah c'est con Alicia Herty. Ah non. Aïe aïe aïe. Ah ça m'arrange un peu. Aurélien aussi, a un point de retour Alicia donc. Bilal, vas-y propose une réponse en attendant de voir si elle revient ou pas. Nice. Nice, c'est une bonne réponse en waterpolo féminin. Je te propose de continuer. On verra bien si Alicia est là ou pas. Et Grenoble. Grenoble, football américain masculin et hockey sur glace masculin. Et on va finir avec un petit Nantes. Azertov fait à chaque fois Alicia avec des petites ailes d'ange à chaque fois qu'elle sent. T'as dit quoi, pardon, Bilal? Nantes. Nantes, c'est une bonne réponse à handball masculin, kinball féminin, kinball masculin, volleyball féminin. Bon, il y en avait beaucoup, hein, beaucoup qui sont passés. J'ai vu Montpellier passer. J'ai vu, voilà, il y a Bayonne, oui, il y avait villes, Caen, quoi. Dijon, Metz, Monaco, Montpellier, Mulhouse. Antoine Alicia, vous avez le bonjour de Sushi. On salue Sushi. Ça fait plaisir, je ne savais même pas qui était là. Rouen, Saint-Germain-en-Laye, Sévrier, tout ça, tout ça. La dernière liste et un éliminé qui, pour l'instant, je rappelle, est Aurélien alors qu'il a une très bonne connexion. Ça change quoi, mec? Ça ne me rend pas plus intelligent. Ça fait donc 14 points pour Bilal, 5 points pour Charlie, 4 points pour Alicia, 3 points pour Aurélien. Ouais. Dernière liste, puisqu'on est sur... Je vais faire une liste Twitch, je sais que ça vous plaira à tous. Je vous demande de me citer un des 50 jeux les plus regardés en heures sur Twitch sur les 12 derniers mois. Sauf League of Legends qui est premier. Ah, Alicia est de retour, ça va Alicia? Alicia, donc c'est une liste Twitch, un des 50 jeux les plus regardés en heure sur les 12 derniers mois, sauf League of Legends, qui est premier. Attention, et c'est Bilal qui commence. Dota 2. Bonne réponse, sixième. Alicia. Elle est déjà repartie. Je dirais la bonne prisonnier. Bon, Aurélien. Fortnite. Bonne réponse, deuxième. Charlie. Counter-Strike. Counter-Strike, je te le compte, il n'y en a qu'un seul, c'est Global Offensive. S'il y en a qu'un, je compte. Je demande pas le titre complet. Bilal. Ouais, CSGO, ouais. Tout à fait. Overwatch. Overwatch, c'est une bonne réponse, neuvième. Aurélien. Call of Duty Modern Warfare. C'est une bonne réponse, quatorzième. Charlie. C'est à partir de quand, t'as dit? Sur les 12 derniers mois. Non, mais tu l'as fait quand, le truc? Bah là. Donc à partir de maintenant, quoi. La question, tu l'as fait quand? Parce qu'il y a un jeu qui vient de sortir et qui... Hier, je l'ai fait. 11 avril 2019. Enfin, du 12 avril 2019 au 11 avril 2020. Non, il ne doit pas. Je vais dire... Teamfight Tactics 3. C'est une bonne réponse, ce Teamfight Tactics. Je ne sais pas s'il y a un chiffre. Qui est 15ème. TFT. Je connais qui TFT, d'accord. WoW. WoW, c'est une bonne réponse, 7ème. Il y a beaucoup de bonnes réponses sur le chat. Bien joué. Je ne peux pas les dire, bien entendu, puisque sinon... Ils sont trop forts. Hop. Alors, que revoilà Alicia. Coucou Alicia. Bonsoir. Ça va? Ça fait un bail. Est-ce que tu veux dire un jeu sur Twitch? N'importe lequel. Un jeu sur Twitch? Dans les 50 plus vus sur les 12 derniers mois. En heure de regardement. Donc en fait, pas forcément les jeux, mais les catégories. Non, les jeux sont le plus regardés sur les 12 derniers mois en heure. Dépêche-toi! Ok, bah non. Vite avant que tu repartes! La clé! Ah, elle est repartie. Bon, très bien. On va repasser du coup à Aurélien. FIFA 2020, je crois que c'est... FIFA 20, c'est une bonne réponse, 16ème. Charles. Je vais dire 19. Minecraft. Minecraft, c'est une bonne réponse de Charlie, 13ème. Bilal. Apex. Apex, c'est une bonne réponse, 11ème. Aurélien. Hearthstone. Hearthstone, 8ème bonne réponse. Charlie. Rocket League. Rocket League, c'est une bonne réponse, 22ème. Oh, Bilal. GTA 5. Non, t'étais à 4 points pour l'instant. Ah d'accord, j'ai cru GTA 5. Ah super. Bonne réponse, 4ème. Sympa. Aurélien. PUBG, enfin Player Unknown, mes couilles. Battlegrounds, bonne réponse, 10ème. Il reste quoi comme jeu? 5 secondes, mon pote. Sea of Thieves. Ah! Bonne réponse, 45ème. Ouh! Pas mal. StarCraft 2. Bonne réponse, 27ème. Là, ça commence à devenir compliqué. Aurélien. C'est bien chaud. Dark Souls 1. Mauvaise réponse, Charlie. Oh shit. Trackmania. Trackmania, c'est une mauvaise réponse. Ah, alors qu'Alice se retourne. Alice, une dernière réponse avant ton élimination, vas-y, fais-toi plaisir. Minecraft. Ça a déjà été dit, malheureusement. Oui, bah, au revoir, Alice. Dylan, je suis vraiment désolé. Mais t'inquiète pas, c'est nous qui sommes désolés pour toi. Mais tu peux rester, et quand tu passes de temps en temps, n'hésite pas à faire des petites remarques pour nous raconter comment ça se passe à Vesoul. Bilal, t'as le droit à trois réponses. C'est le dernier. Breath of the Wild. C'est une mauvaise réponse de Bilal. Le nom complet. Ah, mais attends. Bah, il reste Animal Crossing. Il reste Animal Crossing, mais oui. Animal Crossing 40ème. Il reste ASMR, Borderlands 3, Call of Duty Black Ops 4. Attends, redis le premier. Ah, vas-y, redis le jeu. Redis le jeu ASMR. Non, mais je sais qu'ASMR c'est pas un jeu, bande de cons, mais c'est dans la catégorie jeu du classement. Qu'est-ce que vous voulez que j'y fasse? Ah, ouais. Non, mais, il reste ASMR, ASMR 2, ASMR Revenge. Non, mais je sais qu'ASMR 3 à le retour. Il y avait aussi Breath of the Wild. Pokémon Sword ou Pokémon Shield. GTA. Il y avait aussi Super Mario Maker, GTA, ça a déjà été dit, GTA 5, Warcraft 3 ou Tom Clancy's Rainbow Six Siege. Rainbow. Voilà, ASMR Global au sens offensif. Ouais, c'est en train d'inventer, il est sorti, sur le chat, c'est en train d'inventer des jeux de nom avec ASMR. Je sais que c'est pas un jeu. Ouais. Ça fait donc fin de la suite, 20 points pour Bilal, 10 points pour Charlie, 8 points pour Aurélien. Alicia, tu as 4 points, t'es éliminé. Un dernier mot. Merci Alicia. Putain, elle aurait gagné sinon. Je devrais être éliminé là. Allez, Aurélien, fais-le pour Alicia, parce que maintenant on va passer au milieu. Alors je vais faire pour moi. Oui, bah deux fois, y a pas de souci, hein. Moi, je suis au taquet. Le premier jingle, hein, tu disais. Le milieu, c'est trois catégories qui représentent un lieu, un moment et un autre truc, et dont le thème commence toutes par en, en. Donc juste le thème, pas les questions et les réponses, juste le thème commence par en. Par exemple, un lieu, ça peut être en Argentine, un moment en 1960, et un autre truc en div. 5 questions chacun, 1 point par bonne réponse. Bilal, comme tu as marqué le plus de points dans les deux premières manches, tu choisis entre un lieu, un moment et un autre truc. Un lieu. En concert, annulé. Bilal. Pas de la musique, s'il te plaît. Oh non, tu sais que tu connais beaucoup des concerts, ouais. D'autres choses de musique. Oui, de la le prostate. Le concert de peinture. Bilal, quel artiste interprète de Casser la voix a annulé l'ensemble de ces concerts devant avoir lieu dans une ville dont le maire faisait du Front National en 1995. Patrick Bruel. Bonne réponse de Bilal. Bilal, quel artiste devait faire son spectacle This Is It, 50 représentations dans la O2 Arena de Londres entre juillet 2009 et mars 2010, spectacle annulé du fait qu'il soit décédé en juin 2009. Michael Jackson. C'est une très bonne réponse. Bilal, quel artiste chanteur des Libertines et des Baby Shambles a annulé un concert à Nice en 2010 en prétextant une hospitalisation alors qu'il a été aperçu en train de boire une bière en terrasse à Paris le jour où ce concert devait avoir lieu? Ah, c'est Pete Doherty. Bonne réponse. Ouh. Bilal, dans Charlie, je suis désolé, j'aurais bien aimé que tu tombes sur celle-ci. Dans quelle ville un concert de Black M a-t-il été annulé en 2016 après que des personnalités politiques de droite et d'extrême droite aient critiqué sa venue pour des propos anti-France qu'il a tenus dans des chansons avec le groupe Section d'Assaut? Je sais. À Rennes. Je sais, non. À Verdun. C'était à Verdun pour le centenaire de la bataille de Verdun. Black M. Hein. Une ville en V, on disait dans le chat, c'est ça. Et enfin, Bilal, sur quel archipel le Fire Festival devait-il se dérouler en 2017 avant qu'il ne soit finalement annulé suite aux plaintes des festivaliers qui avaient dépensé des milliers de dollars pour dormir sous des tentes alors qu'on leur avait promis des villas? J'ai vu le documentaire et tout, mais par contre, l'archipel, je sais pas où. Voilà, vers Tahiti, quoi, là-bas. C'est ta réponse. Oui, c'est ma réponse. Vers Tahiti, là, virgule, là-bas. Eh ben non, c'était les Bahamas. Ah. Ça fait donc point pour Bilal. Charlie, comme t'es deuxième à avoir marqué le plus de points dans les deux premières manches, il te reste un moment et un autre truc. Un autre truc. Endetté. Ah, bah tiens, ça va bien pour moi. Il fait chaud, endetté, quand même. Charlie, de quel ouvrage inauguré en 1994 la construction a-t-elle été gérée par la société Eurotunnel, qui a accumulé une dette dont une partie a dû être annulée car elle ne pouvait pas la rembourser? Le 94, le tunnel sous la Manche. C'est une très bonne réponse, Charlie. Un point. Charlie, quel organisme international est à l'origine, avec la Banque mondiale, de l'initiative Pays pauvres très endettés, lancée en 1996 et dont le but était d'annuler une partie des dettes des pays les plus pauvres de la planète? Redis le début, je cherche quoi? Quel organisme international est à l'origine avec Banque mondiale? L'OMF? L'Organisation mondiale des finances? Non. Non, l'OMF dit? L'Organisation mondiale des finances? Non, c'est l'OMS, c'est le FMI. Ah, c'est le FMI, trouvé dans c'est le ça chat. Que je bonne réponse. Ah, c'est dont ça! Dont était président Strauss-Kahn, le cadeau a gagné aujourd'hui. Ah, mais oui. Charlie, j'avais ça en tête. Tout est connecté. Quel... Oh, comment ça va? Bah, en film avec Tom Cruise, j'aurais de la firme. C'est une bonne réponse d'Alicia. Charlie, Alicia, on t'a volé ton dernier mot. Est-ce que t'as un dernier mot quand même à dire? Oh bah non, parce qu'il va être coupé de toute façon. Donc. Connexion peut-être. Oui, voilà, déconnexion. Charlie, lors de quelle guerre ayant eu lieu au début des années 1990, les créanciers de l'Égypte ont-ils annulé la moitié de la dette de ce pays afin d'obtenir son soutien dans ce conflit? En 90. Alors qu'Alicia, c'est un véritable fan club sur le chat. Hein. Le Vietnam? Ou non, c'est la guerre non. Du Golfe. Ah, c'est quoi le pays du coup? C'est où il y a plein de golf, c'est en Écosse. Hein, c'était la guerre du Golfe la réponse. Non, la guerre du Golfe, c'est la réponse. C'est un pays. J'ai beaucoup ri. Merci. Ah, le cul de ce mec. Charlie, ouh, celle-là va te plaire, Charlie, connaissant ton amour pour l'histoire-géographie. Quelle personnalité politique a vu les créanciers de la Pologne annuler la moitié de la dette du pays lors de son arrivée à la tête du pays en 1991? Oh, je sais. Ah, Gorbatchev? Et non, c'est quelqu'un qui aime. C'est pas très bien en ces temps de pandémie, mais c'est Lech Walesa. Tout à fait. Ok. Tu te rappelles, enfin... Aurèle, au collège, on était mort de rire le jour où on a appris ce nom. Ouais. Et je me marre toujours. Avec Monsieur Mutin, il avait dit Lèche Valéza, on a rigolé pendant 2 heures. Si cultivé et pourtant si puri. C'est ça. Ça va ensemble. Je pourrais te perdre là. Et enfin, Charlie, de quel siècle la première remise de dette officielle date-t-elle ? Lorsque le roi d'Angleterre, Édouard Ier, via un édit d'expulsion des Juifs, en profita pour annuler une partie des dettes de la couronne envers ces derniers. Le 18e ? Non, c'était le 13e siècle, 1290. Ah ouais. Ça fait un point pour Charlie. On applaudit Charlie. Bravo. Merci, bravo. Merci. Bravo. Ah, faut que je fasse mis un point, quoi. Ça va le faire. Et on est donc avec un moment pour Aurélien. Je vous rappelle qu'après, il y a encore la presque fin. Donc là, celui qui a moins de points n'est pas éliminé. J'ai rien compris à mes questions, moi. À quelles questions ? À toutes. Bah vas-y, continue. Je réfléchis encore. À... Vas-y, je suis Aurélien, prêt. Un moment ouais. En annulant un mariage. T'as déjà annulé un mariage ? Non, pas encore. Pas le sien. Ça viendra. Aurélien, quel homme politique aurait envoyé en 2008 à son ex-femme le message « Si tu reviens, j'annule tout » à 8 jours de son mariage avec sa nouvelle compagne ? Un homme politique ? Oui. Je sais pas, Donald Trump ? Non, je sais pas, non. Je sais Sarkozy pas. Si tu reviens, j'annule tout. Ah, putain, je savais pas. Ah bah voilà, bah, il a envoyé ça à Cécilia Sarkozy 8 jours avant de se marier à Carla Bruni. Oh merde. Aurélien, dans quelle émission de télé-réalité diffusée sur M6 a-t-on vu au cours des 4 saisons diffusées en France 3 mariages annulés sur 20 car l'une des deux personnes a dit non à la mairie ? Merde, l'amour est dans le pré ? Non, marié au premier regard. Oh chier. Qui est une très bonne émission. Je suis dégoûté. Aurélien, pourquoi les portes des mairies françaises doivent obligatoirement rester ouvertes lorsqu'un mariage est célébré ? Sans quoi ce mariage peut être annulé ? Ah, je sais ça. Je sais pas, à cause du feu ? Non, c'était pour C'est pour que quelqu'un puisse intervenir s'il le veut, non ? Tout à fait, c'est juste pour que faire comme dans les films, que quelqu'un arrive dans la mariée et faire « Non, je m'oppose à ce mariage !» Ah, mais ça existe dans la vraie vie, ça ? Eh oui, on peut le faire dans la vraie vie. C'est pour ça que les portes doivent toujours rester ouvertes pendant un mariage. D'accord, et ça encourage, du coup, ok. Et pour la quatrième question, on va passer à la question co. On embrasse la branche gondée. Alors, Aurélien. C'était quoi ça? Attends. Bah, c'est mon imitation de Jean-Luc Reichmann. D'accord. La branche gondée. Voilà. J'y suis là. Je bois la tache de vin là. J'y suis. Aurélien, sur une femme de 23 ans, a-t-elle menti à son époux avec qui elle s'est mariée en 2006 à Mons-en-Barœul ? L'époux ayant alors demandé l'annulation du mariage pour erreur sur les qualités et cette affaire ayant été portée au tribunal. Alors t'as coupé un maximum, du coup j'ai entendu que des bribes. Sur quoi une femme de 23 ans a-t-elle menti à son époux ? Tu m'entends là ? Ouais. Avec qui elle s'est mariée en 2006 à Mons-en-Barœul ? Ouais. L'époux ayant alors demandé l'annulation du mariage pour, je cite, erreur sur les qualités essentielles du conjoint. Erreur sur les qualités essentielles du conjoint ? Oui. Donc pour dire un truc comme ça, faut être un gros beauf, je pense. Oui. Je sais pas, sur la taille de ses seins ? Non, elle a menti sur sa virginité. Elle a dit qu'elle était vierge. Non ! Alors qu'elle ne l'était pas. Ah, c'est moi le gros beauf en fait. Et enfin, Aurélien. Dans quel pays d'Asie du Sud-Est le divorce est-il interdit ? La seule façon d'annuler un mariage étant de payer une étude psychiatrique de son conjoint ou de sa conjointe pour démontrer qu'il ou elle est fou et donc inadapté au mariage. Oui. Oh non, Asie du Sud-Est. Je vais dire un pays qui sera pas en Asie du Sud-Est. Et j'aurais l'air con. C'est pas la Belgique. Ça peut t'aider. L'Inde. Et c'est un 0 sur 5 pour Aurélien, c'était les Philippines. Les Philippines. C'était bien avec mon point, c'est bien ce que je disais. Le seul pays avec le Vatican où c'est interdit de divorcer encore aujourd'hui. J'aurais fait mieux avec Mako, hein, je tiens à te le dire. Je pense que... Alicia, depuis qu'elle est éliminée, elle est tout le temps... Non mais je suis deg, depuis que je suis éliminée, j'ai pas bugué une seule fois. C'est quoi ce complot? Ça fait donc 3 points pour Bilal, 1 point pour Charlie, 0 pour Aurélien. On passe à la presque fin. Eh oui, pas de... Oui. Ah, j'adore. Arrête. Et au mot de la fin, je me carre dans le cul, quoi. Mais t'as pas de mot de la fin, t'es pas encore éliminé, Aurélien. Mais si, j'ai fait zéro. Mais il y a des réparties, là. Presque fin. Mais faut comprendre, ça fait que 30 fois qu'il fait cette émission. J'ai jamais compris les règles. Non, mais il a pas l'habitude. D'habitude, il perd un premier, et là, il sait pas ce que... Eh oui. Il a oublié comment ça se passe. Presque fin, c'est donc la catégorie homophone, 5 questions chacun, un point par bonne réponse. Donc les thèmes, c'est jeu, et jeu. Et bien entendu, vous ne savez pas de quel thème vous choisissez lorsque vous le choisissez. Bilal, jeu ou jeu? Oui. Numéro 3. Numéro 3. Bilal, comment conjugues-tu le verbe « les » à la première personne du singulier au présent de l'indicatif? Va falloir que tu répètes ta question parce que t'as coupé, du coup ça peut être n'importe quel verbe. Comment conjugues-tu le verbe « annuler » à la première personne du singulier au présent de l'indicatif? Nous annulons. Ah non, la première personne du singulier. C'était ouais. Singulier, j'annule, pardon. Bah non, du coup. Oui, ah non, mais écoute, pas quand même. J'ai mal entendu. Mais non. Vous m'entendiez bien, les autres? Oui, oui. Oui, oui. Oui, oui, Bilal, très très bien. Comment conjugues-tu le verbe « annuler » à la première personne du singulier au passé composé de l'indicatif? J'annulais à « i ». Et non, c'est « j'ai annulé ». Non, c'est « nous annuler ». Passé composé, pas passé simple, putain, je comprends Bilal, rien. Bilal, tu vas-y. Retailleras tes conjugaisons. Je joue au Scrabble tous les jours et je fais ça. Vas-y. Aïe, aïe, aïe, le coup dur. Bilal, bien entendu, le thème c'est « je », puisque vous l'avez compris. Bilal, comment conjugues-tu le verbe « annuler » à la première personne du singulier au futur antérieur de l'indicatif? Futur antérieur? Oui. J'aurais annulé. C'est une bonne réponse de Bilal. Yes. Wow. Bilal, comment conjugues-tu le verbe « annuler » à la première personne du singulier au passé conditionnel? J'aurais annulé. C'est une bonne réponse de Bilal. Avec un S. J'ai cru que ma con disparaissait. Ouais, moi aussi. Et enfin, Bilal, comment conjugues-tu le verbe annuler à la première personne du singulier au plus que parfait du subjonctif? Bien sûr. Ça répond bien dans le temps. Le plus que parfait, quoi. Ah, oui. Voilà, voilà. Que j'aurais annulé. Et non, c'était que juste annulé. Que juste annulé, ouais. Ça fait donc 2 pour Bilal. Je peux déjà dire, Bilal, que tu es en finale, puisque même s'il te rattrape, t'as marqué plus de points que lui sur ce classement. Bravo, super Bilal. Super mérité, hein, donc. Ça fait donc 1-0. Oh, le seul, Charlie. Attention. Charlie, jeu ou jeu 2? Jeu 1, jeu vidéo. Charlie, dans quel pays les Jeux Olympiques d'été et d'hiver devaient-ils se dérouler? Respectivement à Tokyo et Sapporo, jeux délocalisés en Europe du fait de la guerre sino-japonaise, puis annulés de la Seconde Guerre mondiale. Ah, oh, j'avais révisé ça. Ouah, répète. Dans quel pays les Jeux Olympiques d'été et d'hiver 1940 devaient-ils se dérouler, respectivement Tokyo et Sapporo, jeux délocalisés en Europe du fait de la guerre sino-japonaise, puis annulés à cause de la Seconde Guerre mondiale? Les Jeux 40, quoi. Oui, dans quel c'était? Ça devait être Berlin. Mais Charlie, respectivement, dans quel pays, respectivement à Japon, Tokyo et Sapporo? J'ai pas compris, Japon. J'ai cru que ça devait être... Où est-ce que ça devait être relocalisé avant que ce soit annulé? Désolé, je sais que Tokyo et Japon, c'est Sapporo, c'est au Japon, merci. Je te donne le point. Désolé, non. Charlie, concentre-toi. Désolé. Bien. Je me concentre, vas-y. Dans quel pays se trouve la station de Cortina d'Ampezzo qui aurait dû accueillir les Jeux Olympiques d'hiver de 1944 avant qu'ils ne soient annulés, cette station les ayant finalement accueillis en 1956. Redis le nom. Cortina d'Ampezzo. Brésil? Non, c'était l'Italie. Charlie, dans quelle ville, dans quelle ville les Jeux Olympiques d'été 1916 devaient-ils se dérouler avant qu'ils soient annulés? Se déroulaient avant qu'ils soient annulés, cette ville ayant finalement accueilli les ces jeux 20 ans. Dans quelle ville les Jeux Olympiques d'été 1916 devaient dérouler avant qu'ils ne soient annulés, cette ville ayant finalement accueilli ces jeux 20 ans plus tard? Madrid? Non, Berlin. Ah, les fameux jeux de Berlin 6. Charlie, dans quelle capitale européenne les Jeux Olympiques de Londres... Ok, on va la refaire autrement. T'en es maquillon. Coup dur. Aïe, aïe, aïe. Londres? Charlie, en quelle année... regardez la capacité d'improvisation. Charlie, en quelle année Londres devait-il accueillir les Jeux Olympiques avant qu'ils ne soient annulés pour faute de cette ville ayant finalement accueilli 4 ans plus tard. Londres, c'était quand? 2020? Non, Charlie, en quelle année? Annulé à cause de la Seconde Guerre mondiale, Charlie. Non, mais c'est mort là. Non, c'est mort. Ah, j'ai c'est genre au pif, attends, 44. Au pif, je dirais 42. C'était 44, regret. Voilà. Et enfin, Charlie, pour quelles raisons les Jeux Olympiques d'hiver de 1976 n'ont-ils pas eu lieu à Denver, aux États-Unis, alors que le comité olympique avait désigné cette ville en 1970? Pourquoi est-ce qu'ils ont été annulés? En 76. Je sais pas. Denver, le dernier dinosaure. Ça a coûté ça en fait. C'est mon ami. Non, c'est parce que les habitants de Denver ont voté contre. Ils ont lancé un vote et ils ont dit qu'ils voulaient pas que ce soit chez eux. C'est tout. Ça fait tout simplement. Un point pour Charlie, deux pour tout. Aurélien, tu dois mettre 3 points sur 5 pour aller en finale contre Bilal. Sinon, c'est Charlie qui y va. Aurélien. Et je le mérite pas ouf. Hein. J'ai perdu ma dernière finale contre Aurélien. C'était la émission 3. Mais... Il y a un an, il y a un siècle. Il y a 3 ans. C'est une éternité. Aurélien, de quel jeu 8 joueurs pensaient-ils remporter le jackpot de 5 millions de francs belges, tirage qui fut finalement annulé car les boules 41 et 42 étaient restées coincées dans le tube de lancement? Quel jeu de ça? Oui, oui. Je sais pas, le loto? Bonne réponse. Okay. Aurélien. Désolé. Combien de saisons de Koh-Lanta ont été annulées alors que le tournage avait débuté? Combien de... Bonne réponse d'Aurélien, une réponse magnifique. De la finale. Aurélien, qui devait être le présentateur du jeu Dropped, dont le tournage a été annulé en 2015 après un crash d'hélicoptère ayant coûté la vie à 10 personnes? Et il est mort avec, je crois, non? Qui devait être le présentateur du jeu Dropped, dont le tournage a été annulé en 2015 après un crash d'hélicoptère ayant coûté la vie à 10 personnes? Je sais pas... Arthur. Mais il est pas mort, Arthur. Ah, mais il est mort avec vraiment? Non, il est pas mort. C'est Louis Baudin. Ah, ok, d'accord. Il fait pas la météo, lui? Si. Okay. D'ailleurs, c'est pareil, ça tombe pareil. Chat, hein. C'est toujours le monsieur météo, il faut savoir. Hein. Aurélien, question concentration. C'était quelle boule déjà qui était bloquée dans le tirage du loto annulé dont on parlait dans la première question? Bah, va bien te faire foutre. Attends, c'est dommage. La boule 2. 41 et 42. 42. C'est une bonne réponse de Bilal. Ouais, 41 et 42. Super. Oh là là, Johnny, il suit, il est au taquet. Et enfin, pour aller en finale, Aurélien, sinon c'est Charlie qui y va. Ok. Enfin, en gros, pour savoir qui va perdre contre Bilal, hein, vu le niveau que vous avez tout vu de l'émission. Comment Charles Ingram, candidat à la version anglaise de Qui veut gagner des millions, a-t-il triché lors de son passage dans l'émission en 2001, lors duquel il avait remporté 1 million de livres? C'est sa femme qui toussait quand le présentateur disait la bonne réponse pendant la question. Aurélien, tu vas en finale. Oui, bravo. Eh oui. Oh, je suis trop fort. Ça fait donc en tout 5 points pour Bilal, 3 points pour Aurélien, 2 points pour Charlie. Charlie, un dernier mot? Bien joué. Merci. Bien joué. Je méritais pas de façon de monter. C'était intense. Ça va être n'importe quoi. Préparez-vous, puisque là, ça va être le moment jingle, puisqu'on va passer à la fin. Suspense. C'est moi qui fais pense. Oh yes, il l'a fait. Oh, incroyable, putain, je suis tellement fier. La fin, c'est donc, ça va se jouer donc contre Bilal et Aurélien. C'est 10 questions qui vont de 0 à 9 et qui ont un rapport avec le chiffre concernant la question. Une bonne réponse, un point. Le premier à 3 points a gagné. Une question dont le numéro va être choisi. Alicia, si tu peux m'envoyer un message, puisque tu m'en as envoyé 40 000 pour dire que ça marche pas. Si tu peux m'envoyer... D'ailleurs, ça marche très bien, Alicia. T'es pas partie depuis que t'es éliminée. C'est vraiment incroyable. Non, mais il y a un complot, je pense que... Alicia, envoie-moi un petit... J'aurais dû déconnecter Aurélien, mais j'ai pas pensé qu'il allait gagner. Sympa. Alicia, envoie-moi un chiffre par SMS, s'il te plaît. Cette question dont le numéro est choisi peut valoir double. Je vais vous poser, je vous le dirai que ça va être la question double. Entre combien je t'envoie le chiffre. Entre 0 et 9. Entre 0 et 9 Oui, tout à fait. D'accord. Je vais vous poser la première moitié de la question. Ensuite, vous décidez, soit vous passez votre tour, ça fait 0 points, soit vous tentez d'y répondre. À ce moment-là, si vous répondez bien, si vous répondez mal, c'est moins 1. Donc, le premier à 3 a gagné. Celui qui a marqué le plus de points sur toutes les manches de l'épreuve, c'est-à-dire Bilal, choisit si ça se joue à la rapidité ou chacun son tour. Chacun son tour. Merci. Va-t-on assister? Merci, mec. Merci. Va-t-on assister? Première victoire d'Aurélien depuis des émissions 5. Non mais faut pas la pression comme ça. Let's go, let's go. C'est la folie. Allez, c'est parti. Aurélien, pardon, bilan au chiffre entre 0 et 9. Tu commences. 3. 3. Bilal, en 2019, de quelle compétition sportive internationale 3 matchs il était annulé en raison du typhon Gibis? Ah. En 2019, les compétitions sportives internationales. La Coupe du monde de rugby. C'est une bonne réponse de Bilal. Oh, non, c'est perdu. 1-0. En fait, c'était en pouce tout tôt que je répondais et il se passait rien. Je me dis, mais pourquoi il est derrière lui? Aurélien, un chiffre entre 0 et 9. 1. Aurélien, quel pays, un des plus peuplés au monde, a annulé sa participation à la seule Coupe du monde de football à laquelle il s'était qualifié en 1950? Le règlement indisait de jouer pieds nus. Quel pays des plus peuplés au monde a annulé sa participation à la Coupe du monde, à la seule Coupe du monde de football à laquelle il s'est rendu car le règlement interdisait de jouer pieds nus? L'Inde. C'est une très bonne réponse, Aurélien, un partout. Allez. Quelle finale, mais quelle finale. Il y a un point en finale, là. C'est incroyable. Bilal, un chiffre entre 0 et 9. Si je gagne ou pas? Non, c'est s'il y a 0-0 que tu gagnais. Ah, merde. Et moi, il faut quoi pour que tu gagnes? Une bonne connexion. Bilal, un chiffre entre 0 et 9. Le 7. Le 7. Bilal, de quel pays l'Abkhazie, située entre les monts du Caucase et la mer Noire, a-t-elle déclaré unilatéralement son indépendance en 1992, indépendance reconnue aujourd'hui par seulement 7 pays, dont 2, le Vanuatu et les Tuvalu, ont annulé cette reconnaissance de l'indépendance? La mer Noire. La Géorgie. C'est une très bonne réponse de Bilal. Non, oh là là là là là. Il fait une chance. 2-1. Il fait une chance. Ouais, bien. Chiffre entre 0 et 9, s'il te plaît. 0. 0. Aurélien, quel club a vu son titre de champion de France de football 1992-1993 être annulé pour une raison... Pour la corruption? Oui. Quel club a vu son titre de champion de France de football 92-93 être annulé pour une affaire de corruption? Ça l'a trouvé sur le chat. J'ai envie de dire Lyon. Et non, c'était Marseille. Ok. Bilal pour la victoire, il te reste 2, 4, 5, 6, 8, 9. 2. Bilal pour la victoire. Sur quelle touche d'un clavier Windows faut-il appuyer pour activer un raccourci permettant d'annuler la dernière action réalisée? CTRL Z. Non, mais pas là-dessus. Et c'est une victoire de Bilal, vraiment. Non, mais pas bien comme joué. Ça. Yes, Dominique Strauss-Kahn. C'était vraiment très inattendu. C'était vraiment. À chaque fois qu'on me rappelle le cadeau, je regrette moins d'avoir perdu. Donc. Oh purée, on a réussi à le faire en une heure, je suis tellement fier de nous. Bah, oh. Bravo. Bravo, bravo. D'habitude, on n'y arrive pas, mais là, la merde. Alors, bien joué. Aurélien, ça fait donc une finale tout de même, ça fait plaisir, t'es sur la bonne pente là, t'es. Je suis trop content. Hyper content. Super journée, super copain. Et je suis content, oui. Alors, on dit une victoire sur le CTRL Z, je suis content que ce soit là-dessus parce que pour le coup, c'était la première question qui m'est venue quand j'ai trouvé le thème annulation dans l'histoire. Ouais, mais voilà. Enfin, Bilal, quoi, il sait, du coup. Bilal, oui, j'ai gagné cette deux émissions. Un petit mot, c'est à combien de victoires? C'est à 17ème, je crois. Je sais pas, c'est toi qui t'as. Je suis là, je suis un artiste. Oh, il est si désinvolte, c'est incroyable. Je suis dans le vent un peu. Oh là là. Il me saoule. Bon, en tout cas, je suis très content d'avoir gagné le truc sur Strauss-Kahn. Vous pouvez nous retrouver sur PodCloud, Spotify, Instagram, Twitter, YouTube et plein d'autres plateformes, notamment les plateformes pétrolières. Oh mon dieu! Il y a un nouvel épisode qui sort tous les 10, 20 et... Il y a un nouvel épisode tous les 10, 20 et 30 du mois. Je voulais remercier l'organisation de PodRen d'avoir rendu ça possible et bien entendu merci. Mes chers candidats. Oui, merci beaucoup. Merci super. Alicia d'être restée, d'être revenue, d'avoir été persévérante. Je suis si triste parce que. Je suis triste. Oh putain, maintenant c'est moi qui bug. Non, je suis si allô triste parce que j'avais révisé en fait. Genre, j'ai allô vraiment googlé Alicia le sujet. Allô oh, vous. Alicia ah, Alicia c'est dommage. Allô c'est dommage. Je vous déteste tellement. Elle aurait sans doute gagné. On va passer la main. Merci à tous sur le chat d'avoir suivi, participé. J'espère que vous avez appris des trucs. On passe la main au. Blind test show de péremptoire. En attendant, gardez la pêche. Mesdames et messieurs, merci à tous. Wouh.